Connaître les valeurs locales, lutter contre l'ignorance, découvrir et puis, si possible, maintenir les traditions, c'était là quelques-uns des buts poursuivis par Pierre Martel lorsque, il y a 30 ans déjà, il créa Alpes de Lumière. Alpes de Lumière a été créée donc, il y a une trentaine d'années dans un tout petit village pour précisément faire une sorte d'association d'un type nouveau. D'ailleurs, on s'est appelé Mouvement Alpes de Lumière et non pas société ou association, ce qui sont deux mots statiques alors que mouvement est un mot dynamique. On a déjà voulu, dès le baptême de l'association, mettre le mot mouvement, c'est montrer le côté dynamique. En mettant une structure de concertation pour permettre à des gens d'horizons différents de travailler ensemble et, par la conjonction de leurs efforts, de trouver des formules culturelles, des expériences, disons, originales et innovantes. Mais d'où venaient-ils ces gens? Vous-même, d'où veniez-vous? Il y avait toutes sortes de gens. On était 12, le jour de la fondation, on était 12. Moi, j'étais prêtre. Je suis prêtre. Je n'en parle pas au passé, mais j'ai eu du ministère paroissial pendant 13 ans et après je me suis arrêté pour des raisons personnelles, des raisons spirituelles, pour une certaine liberté de parole, quoi, parler de Dieu librement sans en parler à travers des structures. Parce que, enfin, disons pour résumer ce problème, que je trouve que le verbe est devenu verbillage. C'est très sévère ce que je dis là, mais ce n'est pas vrai uniquement pour l'Église, c'est vrai aussi pour toutes les structures, quoi. On est accumulé sous une foule de notions qui nous encombrent, ou d'objets qui nous encombrent, ou de tâches qui nous encombrent, puis on a perdu l'essentiel. Alors, personnellement, donc, je suis très connu dans la région parce que, aussi bien par mon ministère que les activités parallèles, j'étais très connu. Et il y avait un autre curé qui était vicaire d'un petit village. Il y avait un conservateur de musée, il y avait deux chercheurs, un archéologue, et il y avait un musicien, il y avait un ou deux instituteurs, il y avait un sous-préfet. Et pas de paysans? Non, il n'y a pas de paysans le jour de la fondation, mais on était tous en contact avec eux. Le sous-préfet lui-même était en contact, d'ailleurs, il restait 7 ans ici. Il disait, ma vocation, quand on dit qu'il faut supprimer les sous-préfets, c'est d'être les éducateurs et les informateurs des secrétaires de mairie, des conseillers municipaux. Et il était très près des gens, et nous étions tous très près des gens. D'ailleurs, c'est parce qu'on était près des gens qu'on voulait les associer à nos recherches et à nos actions de sauvegarde ou de développement du pays. Le but, c'était étayer l'avenir du pays sur l'étude, la sauvegarde et l'exploitation, je dis bien l'exploitation, même au point de vue économique, des valeurs du patrimoine local pour que le développement de l'arrière-pays, de la Haute-Provence, soit différent du développement de la Basse-Provence ou de la Bretagne ou de la Normandie ou du Massif central. C'était donc un mouvement qui ne voulait pas faire de la recherche ou de la sauvegarde dans l'abstrait pour le plaisir de sauver un oiseau ou une fleur ou un fossile, mais d'associer cette fleur, cet oiseau, cette recherche au développement régional. Et concrètement alors, comment s'est organisé votre travail? On a fait des inventaires. Nous avons là, tout autour de nous, des centaines de milliers de dossiers, de fiches, de cartes. Oui, car je dois dire que je vous rencontre ce matin donc à la Bonne Chère, oui. Dans votre maison, dans votre grenier qui est aménagé en bibliothèque, en atelier. Et devant nous, une vue magnifique. Sur quoi la vue, Pierre Martel? Sur tout le pays de Fort-Calquier et toutes les Alpes du Sud. Le domaine que nous avons pris en charge, c'est toute la Haute-Provence, toute la Provence intérieure, c'est-à-dire Basses-Alpes-Vaucluse, Basses-Alpes qui s'appelle maintenant Alpes de Haute-Provence, et les franges des départements limitrophes, Var, Drôme, Hautes-Alpes, même un bout des Alpes-Maritimes, enfin tout ce qui est la Provence intérieure. Et l'optique, c'était associer au maximum les habitants à la connaissance de leur pays, de leurs valeurs, pour les rendre complices des changements nécessaires. Voilà, je vous cite là une des phrases des premiers éditoriaux d'Alpes de Lumière. Et alors, ça s'est traduit par des milliers de renseignements, une documentation considérable au niveau des fiches, des dossiers, mais aussi au niveau des collections. Nous avons des tonnes et des tonnes de matériel scientifique, botanique, archéologique, ethnologique, paléontologique, minéralogique. Bon. Et ces collections sont progressivement exploitées. D'ailleurs, nous mettons en route en ce moment, pour ce qui est l'ethnologie, les objets. Bon, les objets... si au lieu d'être au grenier, nous étions à la cave est pleine, on va la vider cette semaine parce qu'on ne peut plus rien mettre, d'objets d'ethnologie, d'objets pauvres, d'objets que les gens nous donnent. On va vider des fermes, on fait les poubelles, etc. Et on les exploite, on les étudie et on fait parler les gens sur la manière dont ils ont fait ces objets, dont ils s'en sont servis. De même, dans les greniers, dans les combles, là, il y a des tonnes de fossiles, il y a des bocaux avec des animaux, pareil. J'aime pas trop naturaliser les oiseaux et les animaux, mais enfin, il y en a qui le font et qui nous donnent des collections. Et puis, on a enfin toutes sortes de documents d'ordre iconographique, d'archives populaires que l'on refilera ensuite aux archives des divers départements concernés. Parce que les gens viennent. Si bien qu'il n'y a pas un paysan ici qui ignore ce que c'est qu'un fossile, ou ce que c'est qu'une tuile romaine, ou ce que c'est qu'un site archéologique, ou un site, ou un vieux mur qui n'est pas fait par leur grand-père, à tel point qu'on voit même maintenant des miracles. Un entrepreneur nous a téléphoné il y a 2 mois pour nous dire « Venez vite, j'arrête mon chantier, il y a des tuiles romaines et il y a des murs romains ». Bon, mais il l'a su, et il a eu surtout la culture suffisante pour arrêter ces bulldozers et ces pelles mécaniques. Parce que la population est dans le coup. Je crois que ça, c'était l'originalité d'Alpes de Lumière. Nous sommes des paysans, enfin, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire des gens qui connaissent le pays, qui sont ancrés dans un pays, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ce patrimoine soit sauvegardé et soit exploité. Il y a des valeurs connues de tout le monde, que l'on apprend à l'école, on attire l'attention de tous les divers publics sur un certain nombre de valeurs d'ordre historique, géographique, situel, architectural, monumental, artistique. Bon.